par le haut et par le feu. Par la barbe du cornet, regarde des monts, j'introduis ton pénis dragoli dans l'hôtel de cette jeune vierge. Se répand sur la vieille terre, seulement la ruine et la désolation et la destruction. Que notre volonté soit faite pour toujours au Satan de la nouveau nom à cette nouvelle race. Yeah. Christus, Antichristus, Christus, Antichristus.